John me demande, c'est quoi un transit? Considérez le fait que le plan du ciel, lorsque vous venez au monde et qu'on fait votre carte du ciel, on fait ni plus ni moins qu'une photographie de ce que les planètes sont à un moment donné, c'est-à-dire à une date donnée et à une heure et une minute donnée. Ce qui veut dire donc que cette photographie qui devient votre plan de vie, qui devient votre carte céleste ou du ciel, est simplement une prise d'un mouvement qui se fait continuellement, un mouvement des planètes, cela s'entend, qui se fait continuellement dans le ciel. Donc, si vous avez un mouvement qui a été figé où votre soleil était en lion, ben, un mois plus tard ou au maximum un mois et demi plus tard, ce même soleil va être rendu au signe de la Vierge et ensuite au signe de la Balance. Ça veut dire donc qu'il y a un mouvement des planètes et quand vous venez au monde, au souffle de votre vie, au moment où vous libérez un cri, on peut dire que là, on prend la photographie du ciel du moment. Et considérant ça, vous avez une carte du ciel. Les transits, ben, c'est simplement la continuité de ce mouvement planétaire-là qui continue de se faire autour du Soleil. Et on a, à un certain moment donné, une possibilité de voir des planètes qui reprennent la même position que nos positions natales. C'est-à-dire que si, exemple, vous avez un Jupiter en poisson, ou un Jupiter en scorpion, ben, éventuellement Jupiter repasse au signe du poisson au bout de 12 ans. Ça prend 12 ans à Jupiter pour faire le tour du zodiaque, les 12 signes. Et ça prend 28 ans à Saturne pour faire le tour du zodiaque. Alors que le Soleil, lui, ça lui prend 365 jours. Il fait le tour en un an. Donc, on comprend que le mouvement des planètes est un mouvement constant et continu. Et que le moment où on saisit le mouvement d'une planète en particulier, en rapport avec notre carte du ciel natale, qui suppose qu'on a une planète qui a été fixée par la photographie que j'ai mentionnée tout à l'heure, bien, on dit à ce moment-là que cette planète est en transit sur votre carte du ciel. Il faut comprendre à ce moment-là que le transit éveille quelque chose qui était latent, donc qui était là en potentiel. Un transit a beaucoup d'importance dans une carte du ciel parce que c'est ce transit qui signe un événement. Vous voulez savoir quand les choses vont se passer, étudiez les transits. Parce que une guerre, un événement heureux, une loterie que vous gagnez évidemment, un mariage important, une association importante, l'avènement d'un enfant, le sexe d'un enfant, c'est tous des mouvements qui sont établis, situés par les transits. C'est certain qu'un individu qui maîtrise bien l'explication des transits peut en arriver à faire des prévisions extrêmement précises pour les gens qui l'entourent ou qui le consultent. Donc, comme je le mentionne encore, le transit, c'est une planète qui est en déplacement dans un temps X et qui est interprétée en fonction de la charte natale. Si vous faites une étude strictement des mouvements planétaires ambiants, sans spécifier une carte du ciel particulière, là, à ce moment-là, vous allez faire une étude du climat, ni plus ni moins qu'il y a en cours sur la planète, sur Terre, évidemment. Là, à ce moment-là, vous allez faire une étude de transit des planètes entre eux et non pas en rapport avec une carte du ciel spécifique. Et quand on fait l'étude des planètes entre eux, je donne un exemple, en l'an 2003, on a eu une opposition Saturne-Pluton qui nous a permis de voir la guerre en Irak. Et quand l'effet de Saturne-Pluton s'est dissous, ben, la guerre était finie. Donc, on peut voir que quand il y a des mouvements planétaires entre certaines planètes, il y a tel type d'événement. Et pour la bourse, pour les gens qui font de la bourse, ça peut être extrêmement intéressant de voir comment certains courants planétaires peuvent influer les marchés. Et je vous donne quelques petits tuyaux en passant. Les effets de Mercure et de Mars sur les planètes Uranus et Neptune ont beaucoup, beaucoup d'influence. Considérez que Mars en aspect positif ou négatif, avec Neptune et Uranus, et Mercure la même chose, ont des effets très percutants sur les marchés. ainsi que les conjonctions Jupiter-Soleil et les effets de Soleil-Pluton. L'univers de Jupiter. Les gens en général adorent vivre et faire l'interprétation du transit de Jupiter parce qu'il représente l'expansion, une certaine liberté de manœuvre après souvent des périodes de restriction, de limitation. Et quand Jupiter nous donne ses faveurs, on a l'impression que tout se clique facilement. Les idées qu'on a semblent avoir des concours de circonstances, des opportunités qui, un peu comme le Sagittaire, qui a des avantages inédits que les autres signes n'ont pas. Jupiter, c'est une planète qui, dans un signe, fournit des opportunités. Jupiter, c'est une planète qui permet à un individu de pouvoir donner à ses structures une pleine expansion, mais c'est également une planète d'excès. Curieusement, elle est des fois même plus dangereuse que Saturne, voire même Uranus ou Neptune, parce qu'elle nous fait faire des mouvements qu'à un certain moment donné, on ne peut pas contenir. Je vous donne un exemple. Vous avez une capacité de crédit de 10 000 $. Jupiter passe et les banques, dans un élan de générosité, augmentent votre crédibilité à 50 000. Mais dans la réalité, vous contenez 10 000. Vous avez 40 000 d'expansion, mais vous devez être extrêmement prudent parce que l'effet de Jupiter vous donne l'occasion de vous pendre. Vous avez 40 000 $ de trop de crédit, alors que si votre ego interprète ça comme vous le méritez, les banques vous font confiance, les autres doivent le savoir mieux que vous, ben, ça vous expose à vouloir consommer, à vouloir prendre justement des élans, des idées à l'intérieur d'un élan qui souvent n'est pas capable d'être contenu à long terme. Donc, en soi, ça apparaît comme une planète avantageuse et ça l'est effectivement parce que elle donne accès à des ressources qu'on ne peut pas avoir en temps normal. C'est des ressources par les événements, c'est des coups de chance, c'est ça que les gens appellent souvent la chance. Mais elle peut détruire une vie par le fait qu'on ne contient pas ce qu'on engage. Et ça, ça devient un problème. Donc, l'interprétation de Jupiter, soyez prudent. Dites toujours à un individu que, dans son mouvement, Jupiter aura tendance à favoriser ses projets, à favoriser ses idées, à donner beaucoup d'expansion à ses idéologies, mais que du même coup, à long terme, lorsque le passage de Jupiter sera terminé, l'individu sera pris à contenir des constructions, à contenir des possibilités, à contenir des promesses, souvent d'élections, qui ne seront pas nécessairement aptes à ce moment-là à se vivre avec autant de facilité. C'est comme si je vous disais, Jupiter engendre des événements qui sont favorables et il ne faut pas se fier sur ce favorable, sur cet événement favorable d'une façon continue. C'est comme si on doit prendre ça comme un coup de pouce que la vie nous donne, un coup de pouce que Jupiter nous donne, mais ce n'est qu'un coup de pouce. À un certain moment donné, on sera seul au volant, on sera seul à devoir contenir ce qui sera à ce moment-là engagé par le fait de nos décisions, par le fait de nos actions qui auront été vécues dans un moment, disons, avantageux. Des fois, les gens vont dire « bon ben, on est peut-être mieux à ce moment-là de partir des projets » avec les effets de Saturne, parce qu'on dispose de moins de ressources, on a moins de crédits, on a des résistances, on a des restrictions. Dans un sens, oui, Saturne vous oblige à tellement commencer petit qu'à un certain moment donné, si vous êtes grand, vous saurez toujours comment vous refaire, vous restructurer, vous reconstruire à la base, Avec l'effet de Jupiter, vous êtes exposé souvent à comment c'est grand, à enclencher vos mouvements comme un grand, avec des structures qui sont établies souvent depuis 4, 5, 15, 30, 50 ans. Et vous, le petit nouveau, vous apparaissez là avec des nouvelles ressources, des opportunités, et boum, votre vie explose. Elle se donne une multitude d'avantages. Pensez à la période où on a eu une expansion boursière avec les technos, avec les stocks, les actions de technologie. C'était un mouvement qui était très jupitérien. Les gens avaient du crédit facile, les gens croyaient à des idées et les gens investissaient parce que toutes les promesses donnaient une possibilité d'amplification très rapide. Quand la bulle a crevé, ben, on a eu l'effet saturnien, si on peut dire. Et les gens qui étaient dans une expansion jupitérienne ont eu une certaine difficulté à prendre l'atterrissage. C'est un petit peu ça que je m'en garde. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une bonne planète, ça va de soi, mais ça demande quand même de garder le mental froid, ne pas trop se faire polariser par la consommation. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aspects négatifs, les transits négatifs sur Jupiter ont tendance à faire vivre aux gens une sorte de boulimie de la consommation. Ce n'est pas rare que les gens qui ont une quadrature Jupiter-Vénus, Jupiter-Lune, ont une tendance à pousser très fort sur le luxe et la luxure même. Et qu'à un certain moment donné, ils ont peut-être des autos de l'année avec beaucoup de babioles dedans, beaucoup d'équipements, et à un certain moment donné, ils ne sont plus capables de les payer parce que l'auto a coûté trop cher, l'auto a donné trop d'apparat, trop d'importance à l'image passée au niveau du contenu, donc de qu'est-ce que le véhicule doit faire, c'est-à-dire se déplacer seulement. L'évolution de Jupiter, c'est une évolution de passage à d'autres frontières. C'est comme si dans cette phase-là, l'individu a une certaine forme de liberté de manœuvre qui lui permet de visiter, de voyager, de passer à des contacts avec des mentalités étrangères. Donc, c'est une très bonne planète pour se permettre de s'éduquer, d'étudier les choses qui sont au-dessus de la logique. Quand je dis logique, ben, les mathématiques, c'est logique. Quand on étudie une langue, il y a une part de logique, mais il y a une part d'ambiance avec les gens avec qui on parle. L'étude des arts, l'étude de la politique, c'est une certaine logique, mais ce n'est pas fondé strictement sur la logique. Il y a beaucoup d'esprit de synthèse dans ces matières-là. Donc, quand Jupiter passe, l'individu qui veut se lancer dans des grandes aventures comme voyage et qui donne par conséquent la possibilité de faire des exploits, de battre des records, le mouvement jupitérien est avantageux. Là où Jupiter est placé dans votre thème astrologique, c'est là où vous êtes protégé. Vous avez Jupiter en maison 3, il y a très peu de chances que vous faisiez voler votre auto, ou il y a très peu de chances que vous ayez un accident en auto, ou il y a très peu de chances que les gens qui conduisent vite, en ayant vous comme copilote ou comme passager, très peu de chances que ces gens-là aient un accident cette fois-là. Là où Jupiter est placé, maison 7, vous allez être protégé non pas contre les divorces, mais contre l'abus d'un partenaire. En maison 10, la carrière. Tous les secteurs où Jupiter est porté à toucher la maison ou le signe, cet aspect-là est protégé. Et ça, c'est le fun de savoir qu'il y a une zone dans notre vie où on peut se reposer, où on peut se refaire des forces, parce que l'effet de Jupiter, justement, permet à l'individu de se ressourcer. Si on parle de Jupiter en transit, pour que Jupiter passe à travers tout le zodiaque en 12 ans, il faut qu'il fasse environ un signe par année. Je m'applique souvent à donner aux gens certaines références pour connaître les moments importants de leur vie, les mouvements où ça change au niveau psychologique, où il y a des transformations évidentes. Et c'est la décomposition du cycle jupitérien de 12 ans pour un cycle complet et de 4 cycles de 3 ans. Chaque cycle de 3 ans installe un mouvement de mutation et de transformation. Le cycle qui aboutit au 2e, donc de 6 ans, lui fait connaître le maximum de l'expansion possible de la mutation qui a été abordée au 1er cycle. Et celui de 12 ans donne l'aspect final, comment l'individu récupère son trophée. Prenez un événement important dans votre vie et calculez 12 ans en avant ou 12 ans en arrière si vous voulez faire une étude statistique. Et vous allez voir qu'il y a à tous les 12 ans un mouvement important qui se crée dans votre vie. Prenez un mariage, prenez quelque chose d'heureux. Si vous avez les aspects de Jupiter, vous avez un aspect qui crée un mouvement d'expansion, un mouvement de transformation important, où l'excès peut avoir été vécu également, mais où quand même vous avez disposé de ressources extraordinaires dans un temps donné. Ça peut être la fin des études avec l'obtention d'un diplôme, ça peut être une multitude de choses, mais c'est important de comprendre que ces mouvements-là de 12 ans s'appliquent à tout le monde. On parle exemple de 1 à 12 ans, 12 ans c'est la puberté, 12 à 24, 24 ans étant l'envol, ni plus ni moins, de l'individu pour trouver le moyen d'appliquer toutes ses ressources et toutes ses capacités avec un maximum de réflexes et de talents. On a ensuite 36 ans, 48 ans, 60 ans et 72 ans. Ça, c'est des mouvements normaux dans une vie qui devraient marquer des choses importantes. Il y a les mouvements de 3 ans. Vous voulez vous aider, vous regardez un événement essentiel dans votre vie et vous regardez ces cycles de 3 ans et de 12 ans. Et en général, vous pouvez pratiquement vous prévoir des transformations importantes dans votre vie. Bon, qu'est-ce qui est heureux? Parce que la définition du bonheur varie pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, c'est l'argent. Et pour d'autres, c'est l'amour. Je ne vous dirai pas quel sexe qui vise ça. Mais si vous pensez que la chance est strictement monétaire ou strictement affectif, vous risquez d'avoir des très gros problèmes d'interprétation. Les mouvements de Jupiter donnent des outils, donnent des avantages pour réaliser, pas des rêves, pour réaliser vos ressources. Un rêve, ça peut déborder de vos ressources. Donc, ce que vous allez réaliser, c'est ce que vous avez comme ressource et non pas ce que vous avez comme rêve. Le rêve, faut pas oublier, c'est Neptune. Et c'est une impression, bien souvent. Le talent et la ressource, c'est quelque chose qui est là. Si vous en avez beaucoup, tant mieux, ça va apparaître plus. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, vous allez aller au maximum de ce que vous avez. Et vous ne vivrez pas le rêve, vous allez vivre le maximum de vos capacités. J'applique beaucoup sur ce point-là. Donc, dans vos calculs de 3 ans et 12 ans, c'est très important de regarder que quand il y a un avantage jupitérien en transit, donc dans un mouvement de trigone, un mouvement de conjonction, vous avez à ce moment-là la possibilité d'exploiter le maximum de vos ressources et de vos conditions sociales qui sont incluses dans vos ressources. Une personne qui est déjà millionnaire a plus d'avantages que quelqu'un qui vit avec des petits moyens. Quelqu'un qui a moins peur dans la vie ou qui a moins de censure dans la vie est avantagé sur l'autre qui en a beaucoup de censure ou qui a beaucoup de crainte. Fait que le même transit jupitérien n'a pas le même effet selon les déblocages émotifs que vous avez ou n'avez pas, selon votre carte. Donc, il faut être très, très, très subtil dans la façon d'interpréter ces dimensions-là. L'effet de Jupiter donne le maximum de ce que vous avez, de vos ressources, de vos déblocages affectifs, de vos éliminations de censure, de l'élimination de vos craintes. Il vous donne le maximum d'outils, soit pour vous affranchir ou soit pour mettre un terme à la tension que vous avez. Ce n'est pas rare que des gens dans ces transits jupitériens, dans ces mouvements jupitériens, se sentent libérés d'un fardeau karmique. Parce que l'appointement du résultat du détachement face à un passé lourd, même un passé d'une autre vie, ça se présente dans un mouvement jupitérien très fréquemment. Vous allez me dire pourquoi? Ben c'est parce que à ce moment-là, l'individu est en mesure de faire des prises de conscience intelligentes. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'effet de Jupiter, c'est un peu comme une planète qui fait faire des prises de conscience sur l'expérience qu'on vit. Parce qu'oubliez pas qu'une carte du ciel, ça n'est pas lié à l'esprit, c'est lié à l'âme. Et que ce qui est lié à l'âme, c'est une compréhension de l'expérience et des impressions. Et dans la mesure où l'individu comprend que l'impression qu'il a à encaisser ou à vivre est une restriction, est une limitation, ben Jupiter est un effet de libération quand on a réussi à dépolariser le jeu de cette expérience-là. Donc, des grandes impressions, des grands blocages affectifs, des grandes limitations qu'on a dans la vie qui ont été vécues pour des crises essentielles, pour faire des prises de conscience, ben, peuvent être dégagées, peuvent être libérées dans un mouvement positif de Jupiter. Maintenant, si on parle de Jupiter dans les signes, Jupiter, c'est le raisin. Le signe, c'est la crème glacée, c'est le gâteau, c'est la condition dans laquelle le raisin va prendre son envergure. Donc, on pourrait dire, exemple, Saturne, c'est une noix, Jupiter, c'est un raisin, le Soleil, c'est une orange. Fait que c'est comme un fruit qui, selon dans quoi on le trempe, va prendre un effet, va garder son goût, mais va prendre un effet particulier dans sa texture. Donc, l'effet de Jupiter, quand on le dit dans le signe dit du bélier, ben, c'est de l'expansion dans des élans. Si vous voulez vraiment comprendre comment interpréter une carte, ben, regardez toujours le signe dans son mot-clé et la planète également dans son mot-clé. Jupiter, c'est une planète de synthèse. C'est une planète qui permet de faire des prises de conscience sur une expérience, donc qui a un sens très prononcé de la synthèse. Jupiter, c'est une planète d'expansion. Et le bélier, c'est un signe d'élan, c'est un signe de participation et de combat. Donc, c'est évident que lorsqu'on parle de l'effet Jupiter en bélier, on parle d'une capacité de mettre en branle des ressources de façon spontanée, de façon instantanée, rapidement et dans un maximum d'expansion possible. Lorsque Jupiter passe au taureau, on parle ici d'accumulation, c'est un signe de terre, c'est un signe qui touche le travail, qui organise la matière. Donc Jupiter en taureau permet à l'individu de se développer des systèmes, de se développer une compréhension des mécaniques qui permettent de bien travailler et de travailler d'une façon extrêmement efficace. Ça enlève le travail dans le sens que ça fait travailler le moins possible, parce que c'est plus efficace, mais ça fait bien travailler, donc ça travaille. C'est important ce point-là, parce qu'il y a des gens qui disent ah, « Jupiter en taureau, t'as pas besoin de travailler, tout est facile ». Non, c'est pas parce que tout est facile, c'est parce que l'individu est très efficace dans sa structure, dans sa mécanique de travail. Jupiter en Gémeaux. Bon, Jupiter en Gémeaux a confronté la synthèse avec l'analyse. Donc, c'est comme si ça permettait, lorsqu'il y a passage de Jupiter aux Gémeaux, ça permet de voir dans tout ce qui est très complexe, très analytique, très détaillé, de s'affranchir un peu de cette analyse pour avoir une capacité de passer à des résumés. Donc, ça réduit le compliqué et ça le ramène un peu plus à l'essentiel. À l'essentiel, non pas comme Saturne, mais à l'essentiel dans le sens d'un résumé. Fait que c'est comme une compression de données. On est capable, avec l'effet de Jupiter en Gémeaux, de réduire en quelques phrases un livre, de réduire en quelques phrases un film, de réduire une vie affective à l'esprit qui règne dans la relation. Donc, l'effet de Jupiter en Gémeaux permet à l'individu de se lancer dans des études qui sont souvent fort complexes, mais qui sont ramenées à l'essentiel et ramenées à son maximum d'efficacité. Plus les individus ont besoin de rendement dans le domaine de la conception, les gens qui sont dans les domaines de la technologie ou dans les domaines des idées, dans le domaine des langues, bénéficient souvent de cette expansion jupitérienne parce qu'ils peuvent multiplier les champs d'application de leurs idées et trouver des ressources, des moyens de rendre concrets très rapidement ces concepts, ces idées. Trouver à les vendre également, trouver à donner une expansion à leurs possibilités avec beaucoup d'aisance pendant le passage de Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Cancer, c'est l'intimité. Donc, c'est une expansion dans l'intimité. Donc, c'est un très, très, très bon temps pour acheter une maison. C'est un excellent temps pour refaire son intimité, pour placer des dialogues, des discussions avec des personnes avec lesquelles on a eu des conflits dans la famille, exemple, et de ramener, comme on dit, les idées à l'ordre, de ramener les gens à mieux se comprendre dans ce qui touche le domaine, justement, de l'affectivité et de l'intimité. Jupiter en Lion, ben, le Lion, c'est définitivement l'organisation, l'autorité, les gouvernements. Donc, dans ces zones où Jupiter passe dans le Lion, ben, on a la possibilité de mieux saisir pourquoi il est nécessaire d'avoir un ordre social. Ça permet de réprimer les exagérations, la rébellion, les gens d'extrême droite, exemple. Pas réprimer comme violent, parce que c'est pas Uranus, là, mais c'est réprimer dans le sens de trouver des solutions à ces gens-là pour éviter les abus, pour ne pas être plongé dans des conditions d'abus. L'effet de Jupiter a définitivement un avantage au Lion, c'est que c'est un signe de feu. Et Jupiter, dans les signes de feu et d'air, est toujours un petit peu plus avantagé. Donc, Jupiter en Lion permet de passer à des actions d'une façon très efficace et avec beaucoup d'ampleur, avec beaucoup de possibilités de prendre contact avec les gens de telle façon à ce qu'ils sentent une hiérarchie, qu'ils sentent un ordre social, qu'ils sentent une structure qui doit être maintenue dans une hiérarchie. L'effet de Jupiter en Lion impose cette hiérarchie et impose aux gens de comprendre l'essence de l'autorité, non pas de la domination. C'est également, avec l'effet de Jupiter en Lion, vous remarquerez l'élimination des dictatures. Vous allez me dire, oui, mais comment on peut favoriser de l'autorité et puis éliminer des dictatures? Une dictature, c'est un excès d'autorité. Donc, quand Jupiter passe en Lion, il y a un ordre qui se fait dans les domaines d'autorité et permet de restreindre les excès dans ces domaines-là. Il y a beaucoup de force qui est imposée pendant le passage de Jupiter en Lion et il y a beaucoup de force qui impose un nouvel ordre et qui impose que les dictatures qui ont tendance à créer le désordre soient éliminées. Jupiter en Vierge, ben, c'est la chance pour les gens de la masse de pouvoir faire valoir leur point de vue. C'est un peu comme si l'effet de Jupiter en Vierge permettait à des mouvements syndicalistes d'extrême gauche de s'exprimer et de donner un droit de parole à des gens qui sont dans la foule, qui sont anonymes, qui sont oubliés. Donc, les personnes, exemple, qui sont en prison, les gens qui ont des causes sociales à défendre, les garderies à 5 piastres et tout ce qui touche les défavorisés dans une société, sont avantagés par cet effet de Jupiter au signe de la Vierge pour pouvoir exprimer des droits qui ne le sont pas en d'autres temps. Ça donne des coups d'éclat souvent parce qu'on voit apparaître des personnes qui ont des difficultés de vie qu'on a de la difficulté à imaginer possible. C'est probablement quand Jupiter a passé en Vierge qu'on a donné le droit de stationnement à ceux qui avaient qui étaient infirmes ou qui avaient des problèmes de mobilité. Il y a beaucoup d'aides humanitaires qui se font quand l'effet de Jupiter passe au signe de la Vierge. Jupiter en Balance. Quand on parle de la Balance, on parle des associations. On dira que l'effet de Jupiter en Balance favorise une plus grande lucidité dans les associations. C'est comme si tout ce qui pouvait être dit et fait et vécu dans une relation, et là je ne vais pas dans le sens du couple, je parle beaucoup du sens de la relation, ça inclut les relations d'affaires, les relations intimes, ça va de soi, mais les relations aussi qui peuvent impliquer des contacts qui sont nouveaux, et pas nécessairement des contacts qui sont consommés depuis longues années, ben, c'est sûr que dans ce mouvement d'échange que l'on voit dans une relation, on cherche évidemment une harmonie. Jupiter donne le maximum de possibilités de se comprendre dans cette période-là. C'est comme si Jupiter en Balance permet d'avoir un interprète entre deux parties qui sont divergents dans le comportement, divergents dans leurs attentes, divergents dans leur façon de s'exprimer pour trouver un point d'accord. C'est le meilleur temps pour négocier des ententes et pour se libérer d'attentes. Jupiter en Scorpion, c'est le temps de demander une carte de crédit, c'est le temps de prendre des risques, c'est le temps de penser qu'il est possible de monter sur le mont Everest. Jupiter en Scorpion, ça permet de penser qu'un défi vu comme impossible il y a quelques années peut être possible à ce moment-ci. Pourquoi? Parce que le scorpion, c'est le signe du drame, c'est le signe de la peur, c'est le signe qui permet à un individu d'afficher et d'affronter ses peurs. Et Jupiter permet de rendre le plus sécuritaire possible les ressources et les moyens pour accéder à l'élimination de cette peur. Personne n'a dit que d'affronter une peur, c'était facile, alors que quand Jupiter passe au signe du scorpion, ce n'est pas toujours facile, mais c'est plus facile. Et j'applique sur le fait que plus facile, ce n'est pas facile, nécessairement. Donc, il faut bien comprendre que le mouvement jupitérien au signe du scorpion est un avantage pour toutes les gens qui doivent se dégager d'une crainte et d'une impression souvent qui les paralyse depuis de longues années. Comme ça passe une fois par 12 ans, ben, vaut mieux en profiter. Jupiter en Sagittaire, ça favorise les contacts avec des mentalités étrangères. Jupiter favorise de voyages. Le voyage, ça peut être physique, ça peut être aussi de voyager à travers des études universitaires ou qui imposent un changement de carrière, exemple. Si vous étudiez pour changer de carrière, pour faire quelque chose qui est différent de ce que vous avez fait pendant 15-20 ans, ben, Jupiter en Sagittaire permet d'aller accéder à ça. C'est un bon temps pour apprendre des langues, exemple. C'est un bon temps pour prendre contact avec des mentalités étrangères, pour pouvoir faire de l'exportation et de l'importation, cela va de soi. Mais c'est un bon temps, tout simplement, pour permettre à des valeurs qui ont des confrontations, qui ont des différences, ça permet donc, dans ce temps-là, de régler beaucoup d'ambiguïté, d'ambivalence et de divergence. Jupiter en Capricorne, comme le Capricorne est un signe de temps de restriction, c'est un signe qui prend son temps, bien, l'effet de Jupiter donne un peu d'accélération à notre Capricorne. C'est comme s'il permettait à notre Capricorne de bénéficier de ressources que c'est sûr que notre Capricorne va cumuler ou accumuler pour du long terme, mais c'est que dans cette petite période d'un an, pour notre Capricorne, il va avoir des possibilités qu'il n'avait pas eues depuis des années. C'est comme quelqu'un qui ramasse des fraises dans un champ. À un moment donné, il tombe dans une table que là, c'est vraiment la chance, la manne, comme on dit. Et il en profite. Il sait que le reste du champ n'est pas comme ça, que c'est juste cette zone-là qui va lui donner un maximum de fraises. Fait que Jupiter en Capricorne, c'est comme un oasis dans le désert. C'est comme une occasion de réellement se refaire des forces avant que ça se représente un peu plus difficile. Jupiter en Verseau, ben, le Verseau, on le sait, c'est un signe d'idéologie, c'est un signe d'invention. Ben, l'effet de Jupiter en Verseau, qu'on a eu il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années, ça a poussé les technos. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait Uranus et Neptune en Verseau. Quand Jupiter s'est mis de la partie avec Uranus et Neptune, on a vu pousser à la bourse une flambée de compagnies, de technologies qu'on n'avait jamais imaginé que c'était possible d'avoir. Et donc, l'effet de Jupiter en Verseau pousse énormément les inventions, pousse évidemment pour apparaître au grand public, cela va de soi, et donne au futur un réalisme et une réalité que les gens finissent par penser que c'est actuel. Donc, l'effet de Jupiter en Verseau, c'est un effet qui est trompeur un peu parce que ça amène le futur dans votre présent, mais sur un plan conceptuel et non pas sur un plan concret. Parce que le Verseau, c'est un signe de concept, c'est un signe d'idée et c'est un signe qui est en avant de son temps. On a toutes les ressources pour s'investir dans le futur, mais on n'a pas nécessairement les garanties qui s'appliquent à ce niveau-là. Et le dernier, Jupiter en Poisson, ben, on parle ici d'une planète où tout ce qui touche la tolérance, les rapports humains ou les ambiances sont très importantes, la subtilité, les gens qui sont très sensibles au ton quand ils se font parler, ou les gens qui sont très sensibles au climat dans lequel les choses doivent se faire pour être négociées, ben, l'effet de Jupiter en Poisson met de l'huile, met un onguent sur tout ce qui est irritant, surtout pour les gens qui vivent des fortes, des très très fortes divergences, qui vivent des grandes grandes souffrances. La musique, le cinéma est sous cet aspect-là. Jupiter en Poisson favorise énormément des films qui ont beaucoup de portée sur le plan psychologique, qui ont beaucoup de portée sur le rapport humain. On pourrait dire, exemple, les effets spéciaux, ça se raccorde au Verseau, au Bélier, au Lion. Mais quand on parle de films là, qui ont un impact psychologique profond, ben là, on parle du Poisson. Et Jupiter en poisson, quand il passe, il laisse sa marque à tous ceux qui ont du romantisme à vibrer, à vivre. Donc, les gens qui ont à vivre beaucoup au niveau de l'amour, du rêve, de l'espoir, qui ont beaucoup à vivre au niveau d'une certaine mélancolie, vont être gavés dans ce passage de Jupiter en poisson. Si on aborde Saturne, c'est une planète qui est restrictive, mais qui développe rapidement la maturité chez une personne. Restrictive parce qu'elle enlève à l'individu ce sentiment de choix, ce sentiment de libre arbitre. Elle fait sentir très fortement la fatalité et fait sentir également l'importance d'aller à l'essentiel, d'aller au résumé de tout ce qui doit être fait ou de tout ce qui doit être dit dans un temps qui exige une efficacité et souvent une performance avec des moyens très réduits. C'est une planète qui exige, quand elle passe en transit ou quand elle est placée dans un axe de la carte du ciel, du thème astral, elle exige que l'individu mette beaucoup de temps à bien faire les choses, à bien structurer ce qu'il installe. Si on parle de maison 1, ben c'est sa personnalité. Si on parle de sa maison 2, c'est sa finance, etc. Prenez les maisons et regardez là où Saturne peut s'installer dans votre thème et vous verrez que cette zone de votre thème astrologique est ralentie fortement dans ses mouvements pour que tout ce qui soit fait bien et avec le temps. C'est une planète de lenteur, cela va de soi. C'est une planète qui représente beaucoup l'hiver et tout ce que ça peut représenter de froid, de restreignant au niveau de la mobilité. Par contre, c'est aussi une planète qui permet une très grande introversion et ça permet aux gens de structurer, de préparer longuement un mouvement, une idée, une idéologie, une ligne de conduite de telle façon à ce que lorsqu'elle doit libérer le mouvement dans la forme, lorsqu'elle doit libérer l'action dans le concret, ben, il y a une possibilité d'installer une permanence. Parce qu'on parle ici de planète de permanence. On parle ici de planète qui exige que l'individu s'applique pour donner une certaine immortalité à son œuvre. L'évolution de Saturne dans une carte apparaît toujours négatif parce que l'ego est jeune, jeune dans le sens qu'il veut s'amuser. Il veut vivre dans une enfance quasi permanente. Et l'effet de Saturne oblige d'être parent, oblige d'être adulte. C'est le dieu qui mangeait ses enfants dans la mythologie. Donc, c'est le dieu qui impose à l'enfant à devenir adulte, à devenir mature, à devenir structuré. Et on comprend assez facilement qu'il devient essentiel dans l'évolution d'un être de toucher à cette vie adulte, à cette ligne de pensée où l'autorité de son expérience doit apparaître à un certain moment donné. On colle souvent à Saturne l'âge des 40 ans. On colle souvent à Saturne l'âge de la retraite. Et on comprend assez facilement que l'individu ici a la chance de voir les résultats de son œuvre par le complément ou la complémentarité d'un cycle complet de 28 ans, c'est-à-dire un cycle saturnien. Et on comprend que lorsqu'un individu est capable de passer 28 ans de présence, de conscience, de professionnalisme dans ce qu'il fait, il réalise une œuvre. Ça prend, en d'autres termes, 28 ans à faire de quelqu'un un être mature, quelqu'un qui a de l'autorité. Je vous ferai remarquer que 28 ans, c'est 4 fois 7 ans, 4 cycles de 7 ans, que chaque cycle de 7 ans pousse l'individu à des étapes importantes de sa structure de vie. L'évolution de Saturne, c'est une évolution lente, mais c'est une évolution qui stabilise. On ne l'aime pas parce qu'elle est lente, on ne l'aime pas souvent parce qu'on cherche une performance rapide, on cherche une expansion. Mais Saturne représente facilement la mentalité des gens qui vivent dans les montagnes, qui vivent dans le désert, qui ont appris à traiter avec des ressources minimums et à traiter dans ce minimum, à maximiser leur bien-être, leur bonheur à travers ces restrictions. Donc, quand vous voyez un mouvement saturnien, dites-vous que dans le secteur de votre thème, la maison que ça sera touché, le signe dans lequel ça sera touché, il y aura des restrictions et que vous devrez composer avec ces restrictions. Bon, quand on parle de Saturne et de ses transits, de ses mouvements dans les planètes, on parle évidemment d'une combinaison de ce qu'on pourrait qualifier de restrictions intelligentes, parce que je sais que les gens n'aiment pas tellement Saturne, donc je suis obligé de le redorer dans un sens, de restrictions intelligentes dans le but d'une restructuration, d'une consolidation, dans le but d'une intégration et d'une maturité. Et selon la rythmique du signe, ben, on verra qu'est-ce que ça donne. Saturne en bélier. Évidemment, c'est pour notre bélier très difficile à vivre parce que le bélier est un signe d'élan. Et quand Saturne met les freins, il est obligé de reconnaître l'importance du freinage pour négocier les crises. Dans la mesure où notre bélier ou l'aspect bélier est capable de comprendre l'importance de ce freinage, ben, il n'y a pas trop de problèmes. Mais si une personne s'obstine à vouloir mettre une vitesse ou mettre une accélération dans un temps où Saturne est en bélier, les risques d'accident sont énormes. Parce que l'effet de Saturne en bélier impose une limitation dans la vitesse, une limitation dans les élans et une limitation qui a son intelligence puisqu'elle doit comme permettre de négocier avec l'individu une sorte de compréhension du commencement des choses. C'est important avec l'effet de Saturne en bélier d'apprendre à commencer, d'apprendre à partir un projet. C'est comme vouloir aller faire des études pour comprendre comment se fait telle ou telle chose. Si on parle de Saturne en bélier, on parle inévitablement du commencement de quelque chose. Saturne impose donc cette obligation d'apprendre et permet aux choses de bien commencer, aux structures de bien se structurer, de bien partir dans le base. C'est sûr que pour la personne qui le subit, qui vit de l'impatience, ça va être une couple d'années de torture parce que quand même, quand Saturne passe dans un signe, il est là pour au moins une couple d'années. Et c'est sûr aussi que l'évolution que l'individu vit dans ses structures est une évolution tellement lente qu'il va avoir l'impression de manquer de ressources. Tu sais, des gens vont dire « j'ai quasiment manqué mon départ parce que je manquais de capital ». Ça a été trop long à partir, j'ai eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'événements qui m'ont empêché de le faire comme je m'attendais à le faire. Quand vous avez un effet de Saturne en bélier, attendez-vous à rien de facile, attendez-vous à rien de rapide, attendez-vous à apprendre à bien le faire et vous n'aurez pas de problème à ce moment-là. Saturne en taureau, c'est la restriction dans le capital, c'est la restriction dans le travail, c'est la restriction dans le but toujours de bien faire les choses pour s'assurer une base. Si vous partez du principe que Saturne, dans un signe, va toujours vouloir créer une base selon la nature du signe, ça va être plus facile de regarder cette planète-là de façon positive. Donc, Saturne en taureau impose une compréhension du capital, de son utilisation et de son efficacité. Et quand Saturne passe au taureau, ben, l'individu est souvent irrité parce qu'il est exposé à un minimum de capital pour faire ce qu'il a à faire et il doit faire carrément des miracles et donner à son environnement satisfaction dans ce qu'il a à produire. C'est vraiment faire du 400% avec le minimum. Saturne en Gémeaux, comme c'est un signe qui communique, qui parle, qui échange, qui fait véhiculer des idées, bien on comprend assez facilement que lorsque Saturne passe aux Gémeaux, comme on a connu depuis quelques années, présentement, dans les années 2002-2003, on a eu ce fameux Saturne en Gémeaux. On voit que la communication n'est pas tellement l'élément le plus favorisé. C'est comme si les gens veulent des preuves. Donc, l'effet de Saturne en Gémeaux, c'est l'exigence de la preuve. Donc, Saturne en Gémeaux occasionne beaucoup de restrictions dans la communication aux gens qui sont des gros parleurs. Et cette situation-là, qui prévaut pendant 2 ans, oblige les gens de concept à être aussi des gens qui ont une conscience de l'application, de la rentabilité et de la faisabilité de leur concept et de leurs idées. Donc, vous voyez que Saturne, c'est pas si mauvais que ça, dans le fond. C'est sûr que pour des gens de concept qui veulent que l'application passe à un autre département, ça devient irritant. C'est difficile aussi pour les gens qui ont du Gémeaux dans leur carte quand ils voient passer Saturne, parce que tout le monde leur demande de mettre quelque chose de concret à leurs affirmations. Et c'est une période difficile à ce moment-là, parce que des gens qui sont très, on va dire, volatiles dans le concept, très volatiles dans le côté Gémeaux, se voient comme acculés au pied du mur pour donner des preuves. Saturne en Cancer, là on parle de 2003 là, qui touche ça, c'est la restriction dans l'intimité. C'est faire le maximum dans sa vie privée pour s'organiser à être le plus à l'aise possible avec le moins possible. Vous allez me dire, oui, mais c'est quoi ça? Ça fait monter le prix des maisons. Ça donne la sensation que l'habitation prend beaucoup de place dans notre vie. Ça donne l'impression que l'intimité a une valeur surévaluée. En d'autres termes, que l'intimité est carrément surévaluée et que l'individu doit donner à cette intimité-là beaucoup de place pour se garder en équilibre affectivement et émotionnellement. Le Cancer, je ne le répéterai jamais assez, c'est un signe qui demande beaucoup d'attention. Quand Saturne passe au Cancer, les gens sont plus à fleur de peau, sont plus électriques, fébriles et sont très, très, très susceptibles sur la façon et le ton dont on leur parle. Ne vous appliquez pas trop sur le contenu quand Saturne passe au Cancer. Appliquez-vous plus sur le ton et l'ambiance dans lequel vous faites et dites les choses. L'effet de Saturne en Cancer crée beaucoup de conflits entre les gens sur le fond et non pas sur le contenu. C'est l'ambiance qui devient la source de tension et non pas les idées ou les concepts qui ont leur réalité ou leur vérité. On voit souvent dans l'effet de Saturne en Cancer des débats autour de contenu, alors que c'est sur l'ambiance dans laquelle les choses se passent que le problème ou la tension se vit. Ça dure 2 ans. Essayez de vous créer des petits repas relax. Pas trop romantique, parce que dans la romance, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de chiolage et ça cache des choses. Et puis les gens aujourd'hui sont un petit peu plus réalistes qu'avant. Saturne en Lion. C'est la restriction dans le pouvoir. C'est vraiment là que les gens qui jouent trop avec la domination sont carrément éliminés. C'est un peu comme si l'environnement ne peut plus absorber d'excès dans tous les jeux de la domination. Quand Saturne passera au Lion, vous verrez des personnes extraordinairement irritées par tous les abus gouvernementaux, des femmes très très irritées de l'abus des patrons, des syndicats réactifs à l'extrême. Et vous verrez des gens qui viseront à réduire les salaires ou même le pouvoir de gestion de présidents de grosses corporations ou de gens qui disposent d'une grande autorité. C'est le temps ou jamais pour les grands d'être sages, de ne pas trop se prendre au sérieux et de donner aux gens l'essentiel qu'ils demandent et ne pas les faire attendre trop longtemps. L'effet de Saturne en Lion ne permet pas au gouvernement, aux structures d'autorité, aux gens qui ont de l'autorité, de placer les autres qui sont sous leur gouverne, d'être dans des positions irritantes trop longtemps. Donc, ça demande beaucoup d'ordre, ça permet d'être efficace dans un ordre social, mais ça, comme on dit souvent, les Romains régnaient en donnant du pain et des jeux. Il ne faudra surtout pas l'oublier dans ce temps-là. Saturne en Vierge. Saturne en Vierge, c'est une position qui est bonne si on la regarde d'un point de vue de l'accumulation de capacités et de ressources, et non pas d'utilisation. J'applique sur le fait d'accumulation et non pas d'utilisation. C'est comme Saturne en Vierge, ça permet à un individu de faire les études qu'il faut pour se donner le talent, le diplôme, la reconnaissance voulue pour apparaître efficace, meilleur et rentable. c'est l'étude de la rentabilité sous toutes ses formes, autant dans la vie privée, dans la vie intime, dans la vie professionnelle et dans tous les aspects qui demandent une rentabilité. Donc, Saturne en Vierge est une très bonne position pour les gens qui veulent démontrer un talent extraordinaire dans l'élaboration de structures et de systèmes qui vont rendre plus efficace quelque chose au niveau du travail, quelque chose au niveau des concepts ou de la conception, ou quelque chose qui exige de voir clair à long terme. Les gens qui auront un travail à faire au niveau de prévision sur des structures professionnelles, sur des structures médicales surtout, auront des gros avantages. C'est une très bonne position pour les chercheurs en passant, et surtout pour tout ce qui touche le médical et les secteurs sociaux. Saturne en Balance. Saturne en Balance, c'est la position idéale pour la justice. Saturne et la Balance, c'est comme si on verrait la femme qui tient une épée avec de l'autre main une balance qui fait justice. Et c'est dans cette étape-là de 2 ans que ça va durer qu'on verra les plus grandes modifications dans les lois pour permettre à la collectivité de disposer de lois justement qui vont limiter la portée du crime sous toutes ses formes et une application sévère. C'est comme si à cette époque-là, la loi sera plus sévère, les relations seront plus strictes, les couples qui auront à se séparer se sépareront, en sens que les gens qui sont mal définis dans ce passage saturnien en Balance ne pourront plus rester ensemble. Il n'y aura à la fin de ces 2 ans-là que les gens qui sont réellement bien ajustés et bien définis dans leur vision personnelle à l'intérieur d'une relation de couple ou une association quelconque. C'est sûr que l'effet de Saturne n'est pas drôle à vivre parce qu'elle fait ressortir tout ce qui est fragile, elle fait ressortir tout ce qui est malsain et fait ressortir tout ce qui impose un doute aux gens et oblige que ce doute soit éliminé, c'est-à-dire que la certitude se présente. La Balance, c'est le signe du doute, c'est le signe de l'ambiguïté, c'est le signe qui donne la chance aux deux parties. Mais c'est aussi le signe qui exige que les deux parties s'entendent et qu'il y ait un consensus. Donc, l'effet de Saturne en Balance exigera dans les relations un consensus et une définition pure et dure de ce qui doit être fait et dit en son temps et en lieu. Saturne en Scorpion, ça, c'est pas trop facile. Parce que le Scorpion étant le signe du drame, Saturne étant le signe de la restriction, tout ce qui peut être violent instinctivement dans l'être va ressortir ou ressort dans ces phases-là. C'est donc dire ici que les instincts les plus bas apparaissent et demandent à ce moment-là à être évacués. Les frustrations, les limitations, les obligations de se dégager ou de se sortir du drame. Ceux qui auront à se suicider, vous allez en avoir une sérieuse vague dans ce temps-là. C'est 2 ans là, de gros ménage. On appelle ça de l'épuration. Le Scorpion a la réputation de devoir faire attention aux empoisonnements. Puis Saturne en Scorpion met en relief les faiblesses qui font qu'un être s'empoisonne ou qu'il y a un empoisonnement. Ça peut être un empoisonnement au niveau verbal, dans le cas d'entreprise, de relations de travail, mais ça peut aller jusqu'à des empoisonnements sur le plan physique dans bien des cas. Ça sera une période, si on parle encore dans cette époque-là de guerre biochimique, ça sera une période où il faudra faire extrêmement attention justement à des vagues de terroristes qui pourraient toucher le biochimique parce que Saturne en Scorpion favorise fortement des expériences négatives de cet ordre-là. Ça favorise beaucoup le fanatisme également et ça favorise des excès au niveau de la violence. Donc, si les femmes sont mariées avec des hommes violents ou si les hommes ont des femmes qui ont un côté un peu violent, faites attention parce que c'est là que les goupilles de grenades sautent et ça ne sera pas nécessairement drôle à vivre. Saturne en Sagittaire. Saturne en Sagittaire, c'est une restriction dans les territoires. C'est un peu comme ce qui s'est passé quand Saturne est en Gémeaux, en opposition avec Pluton en Sagittaire en 2003, quand il y a eu la fameuse attaque des 2 avions sur le World Trade Center. Ça, c'était Pluton en Sagittaire. Il y a eu une grosse restriction de la part des États-Unis pour les frontières. Donc, dans un ordre un petit peu moins aigu, là, parce que Pluton, c'est quand même pas Saturne, bien, on verra avec Saturne une certaine restriction dans les frontières, mais ça pour tous les pays. Ça ne sera pas pour des questions nécessairement de terroristes, ça va être pour des questions surtout de structure économique d'idéologie également, et ça va certainement s'attaquer aux religions. Donc, l'effet de Saturne en Sagittaire, c'est une restriction positive et intelligente pour permettre à deux différences, à deux divergences, de trouver un consensus sur le plan de l'efficacité, sur le plan de la rentabilité. Les entreprises qui font, je dirais, des affaires à l'international vont avoir à consolider dans cette phase-là, à consolider tous les rapports d'employés, de vice-présidents ou de présidents. Ils auront à ramener une ligne de pensée, une politique d'entreprise presque unique à ce moment-là. Saturne en Capricorne, c'est la position idéale pour Saturne puisque Saturne est le maître du Capricorne. C'est la position qui permet d'utiliser efficacement le maximum avec le minimum. Saturne en Capricorne qui permet aux gens de voir c'est quoi la limite réelle d'un matériel. Si vous dites, bon ben je vais tester mon couple, je vais tester l'identité de quelqu'un, je vais tester l'entreprise, je vais tester quoi que ce soit, ben le Saturne en Capricorne, c'est vraiment le test ultime. Heureux sont les gens qui connaissent des gens qui ont Saturne en Capricorne parce qu'ils vont se faire évaluer de telle façon à ce qu'après l'évaluation, il n'y ait plus d'évaluation possible. L'évolution de Saturne en Capricorne, c'est la suprême attente. Les gens qui sont marqués à vie par un transit à naissance de Saturne en Capricorne sont exposés, évidemment, à beaucoup d'attentes dans leur vie, de la part de leur famille en général, ou de leur intimité. Parce que la famille, l'intimité et la vieillesse, c'est tout lié ensemble. Et le Capricorne, lui, évidemment, c'est une construction qui commence à être goûtée dans la quarantaine. Donc, ceux qui auront touché la quarantaine lorsque le prochain transit saturnien passera, ben pourront enfin voir est-ce que ça valait la peine d'attendre. Parce que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on attend. Toutes les attentes des gens, lorsque Saturne passe en Capricorne, même si vous ne l'avez pas dans votre carte natale, toutes les attentes que vous avez aboutissent dans ce passage de Saturne en Capricorne. Saturne en Verseau, c'est l'inventeur qui dit « j'ai trouvé la façon de faire de l'or ». Et Saturne en Verseau, ça dit à celui qui dit ça, « bon, ben fais-les ». Qu'est-ce que tu as besoin pour le faire? Je veux un résultat la semaine prochaine. Donc, avec l'effet de Saturne en Verseau, on met le concept à l'épreuve. On restreint le temps nécessaire à l'exploration pour obliger, peut-être pas arriver à un achèvement final, mais de présenter une étape finale. Une étape qui peut passer à une autre étape après, mais il faudra, avec Saturne en Verseau, sentir que les grands concepts, les grandes idées que vous avez sur le futur ou sur l'avenir doivent prendre un terme dans une phase quelconque à ce moment-là. Saturne en Poissons, c'est une position qui est souvent difficile à vivre pour les gens qui sont dans l'indigence, les pauvres en d'autres termes. Les personnes qui sont pauvres vont connaître une extrême pauvreté, les gens qui vont avoir le sentiment dans la vie d'être oubliés ou abandonnés. Avec cet effet de Saturne en Poissons, ça amplifie énormément ce sentiment d'être les derniers de la société. Ça obligera certainement beaucoup de gens qui vivent de la misère de se sortir de la misère. Et je dis bien vivre la misère parce qu'il y a des gens qui, sans le vouloir, c'est karmique, se font un salaire dans la misère. Je pense à des gens qui sont mendiants. Mais tout ce qui va se vivre au niveau de l'expérience de la plainte, parce qu'il y a des gens riches qui se plaignent, qui sont pauvres mentalement, bien, tout ce qui se vit au niveau de la plainte ou ce qui se vit au niveau d'ambiance, de non-dit, de non-verbal, de trahison, de tout ce qui n'est pas défini devra se définir dans ces deux années-là. C'est sûr que Saturne en Poissons, c'est très dur. Très dur. Quand Saturne passe au signe du poisson, il n'y a pas grand place pour le rêve. C'est plus le contact avec la dure réalité. Les gens ne peuvent pas se barbouiller d'impressions parce que à ce moment-là, les impressions ont une connotation mafieuse, ont une connotation c'est bas en vibration. C'est extrêmement... C'est loin du romantisme. Ou c'est du romantisme, c'est un peu à la Titanic, là. On meurt à la fin. Fait que l'effet de Saturne en poisson, ça exige pour les gens qui veulent bien vivre ce passage saturnien-là, ça exige une certaine assaise, une certaine mystique, une compréhension subtile et psychique des événements. Les gens qui sont mal équipés pour comprendre d'une façon consciente les événements de leur vie passent un mauvais quart d'heure dans ce passage-là de Saturne en poisson.